3K tu peux pas test, 3K tu peux pas test, 3K tu peux pas test, 3K tu peux pas test, 3K easy, Sim grand double dos au départ sur le beat. Ouais ouais, tu t'y attendais pas, cette Montpellier lolo, le dev sont là. Les broyeurs ont fait un flow de killer, bientôt un featuring avec Scotty Pippen. Viens pas marcher sur mes plaintes, mec. On va pas rester en plan. Chaque fois qu'on passe à la taverne, dis-moi pourquoi tu louches. Tu parles à moi avec la batte dans la bouche. Batte dans la bouche. Batte dans la bouche. C'est pourquoi t'as peur, jeune gars. Tu vois plus que nous à chaque fois. En plus, t'oses plus venir depuis des mois. Plus venir depuis des mois. Venir depuis des mois. Essaye pas de clasher avec nous, Gajo. N'a pas de laisse autant que t'es reparti aussitôt. Nos lyrics font du bruit et foutent la trouille. Quand ils nous allument, même des proches, c'est pour faire les couilles. Nos techniques sont trop cruelles. Riff Seigneur envoyé à la paix. Si tu recherches du brutal dans 3-4, c'est easy. On a déjà sodomisé 3-4 coups de évier. Chaque fois qu'on passe à la taverne, tu vois pourquoi tu loues. Avec la batte dans la bouche. Batte dans la bouche. Batte dans la bouche. C'est pourquoi t'as peur, jeune gars. On voit plus que nous à chaque fois. Plus t'as plus venir depuis des mois. Plus venir depuis des mois. Venir depuis des mois.